l'alcool, se caner pour des soucis. Le monde change trop quand la haine contre l'amour. Si le destin était une fleur, je l'arroserais tous les jours. Si le silence était un bruit, il serait des plus mystérieux aujourd'hui. À part le sourire d'un gosse, rien ne me rend heureux. Si l'avenir était pour tous symbole de réussite, j'irais partout et nulle part ailleurs. Le rap ne serait qu'un loisir. Si les amis étaient éternels, j'en aurais plusieurs. La vie à la mort, les fous rires se font plus rares que les pleurs. Si mes parents étaient riches, j'aurais pensé différemment. Oh maman, je ne regrette rien sur la tête de mes enfants. Si j'étais le soleil, je brillerais tous les jours. Ou bien la pluie noire et la flamme tricolore pour toujours. Avec des si on fait le monde, avec des coups on se fait comprendre. Si je pouvais changer les choses, crois-moi. Ouais, le jour viendra, c'est pas des conneries. Si tu peux croire en lui, demain peut-être le galard, un ciel, une pluie. Espoir, un ange dans la nuit, une voix qui plane. Avec des si on fait le monde, avec des mots le rêve te parle. Le jour viendra, c'est pas des conneries. Si tu peux croire en lui, demain peut-être le galard, un ciel, une pluie. Espoir, un ange dans la nuit, une voix qui plane. Avec des si on fait le monde, écoute, c'est le rêve. Frangin, viens, on va leur foutre ça, je suis trop rabatte là. Y'a embrouille, y'a pagaille. Viens, on va leur foutre ça, putain. Ok, laisse-moi foutre un survêt. Ouais, vas-y, viens, on y va, vas-y. En attendant demain, si on partait dans un monde meilleur, les guerres n'existeraient plus ni les différences de couleurs. Et si les gens prenaient le temps de s'écouter, les préjugés n'existeraient que dans les films. Où les dialogues sont à chier. La police était efficace, elle laisserait tranquille le petit dealer du coin pour menotter les pédophiles. Si le sida, le cancer, autre maladie n'existait pas, j'aurais foutu en quarantaine mes angoisses, ma peur. La paranoïa. Ma vie, pas du cinéma. Si c'était une série trop loin de Santa Barbara, elle ne serait qu'en deux parties, tu me crois ou pas. Mais si on arrêtait de se mentir, en se détestant, on serait meilleurs potes en un échange de sourires. Si la terre ne tourne pas rond, c'est pas non plus parce qu'on est carré. Coup de fusil en soirée, dans une boîte, un mec repose en paix. Si on arrêtait les conneries, mais ça je l'ai déjà dit à moi seul, je peux rien y faire alors qu'il m'aime me suivre. Le jour viendra, c'est pas des conneries. Si tu peux croire en lui, demain peut-être le canard pas ciel, une pluie. Espoir, un ange dans la nuit, une voix qui plane. Avec des si on fait le monde, avec des mots le rêve te parle. Le jour viendra, c'est pas des conneries. Si tu peux croire en lui, demain peut-être le canard pas ciel, une pluie. Espoir, un ange dans la nuit, une voix qui plane. Avec des si on fait le monde, écoute, c'est le rêve. Et si on portait un toast à l'espoir de voir un jour le bonheur, le vrai, celui que l'on ne trouve pas en bas des tours. Et si ma jeunesse partez pas en couille, si seulement le plus haineux des partis politiques ne filait plus la frouche. J'essaierai d'y voir clair dans cet univers si sombre. De l'info à la tox, il n'y a qu'un pas et tu tombes. Si tu bosses pas à l'école, il n'y a plus grand chose à faire, petit. Gère bien tes affaires si tu veux être quelqu'un dans la vie. Si la fortune était impossible à obtenir, faudrait se battre. Et t'as risqué sa peau, partir ou mourir. Faut choisir. Si j'ai des profs, j'essaierai d'être différent de ceux qui donnent un cours d'une heure ou deux et te laissent dans le vent. Si l'intelligence tenait dans une main, dans l'autre la connaissance, de savoir serait tiné ensemble. On briserait le silence. Si un jour le ciel bleu réapparaît, crois-moi, ce genre de texte ne serait que l'idée d'un auteur qui ne le pense pas. Le jour viendra, c'est pas des conneries. Si tu peux croire en lui, demain peut-être le canard en ciel, une pluie. Espoir, un ange dans la nuit, une voix qui plane. Avec des si on fait le monde, avec des mots le rêve te parle. Le jour viendra, c'est pas des conneries. Si tu peux croire en lui,